Chapitre 3e. Naturellement, bien des théories furent échafaudées. Par exemple, on disait que le jeune Schwartz avait raconté une histoire inventée de toutes pièces et que le voleur n'était autre que lui-même. Mais M. Schwartzper, qui était, je vous l'ai dit, un très riche marchand, ne laissa pas l'insouciance de son fils avoir de si graves conséquences. Il s'empressa d'envoyer un chèque de 10 500 livres à messieurs Winslow et Bassel. D'autre part, le fils Schwartz, jeune allemand vertueux, n'avait pas de goût dispendieux, loin de là. Il mène encore, en ce moment-ci, la vie la plus modeste et la plus retirée. Son honnêteté certaine, absolue. On jasa aussi au sujet du prince et de sa suite. Je crois qu'il y eut beaucoup de gens à Liverpool pour déclarer que le superbe policier russe était un complice. Théorie d'ailleurs plausible. Messieurs Winslow et Vassal dépensèrent alors beaucoup d'argent pour monter un dossier d'accusation contre le prince. Mais bientôt encore, cette théorie s'effondra. M. Ward, en interviewant les principaux agents de change de Liverpool et de Londres, apprit que le prince Semyonitch avait récemment changé une grosse somme d'argent russe et français en argent britannique, plus de 30 000 livres. Il semblait donc improbable qu'un homme aussi évidemment fortuné eût risqué les travaux forcés pour augmenter son opulence de 10 500 livres. Néanmoins, la théorie de la culpabilité du prince avait pris fermement racine dans les cerveaux épais de certains de nos policiers officiels. Ils ont donc pris des informations en Russie, d'où on leur a répondu que le caractère, la position et l'extrême richesse du prince Semyonitch le plaçaient au-dessus de tout soupçon. Je crois pourtant que ces idiots n'ont pas cessé de le soupçonner. Ils ont écrit à son sujet à toutes les capitales de l'Europe, et pendant ce temps-là, il permettait aux coupables de jouir tranquillement du fruit de son vol audacieux. Ici, le lecteur est prié de se recueillir et de tâcher de trouver quel est le coupable. Le coupable, dis-je, qui donc savait qu'à cet instant le jeune M. Schwartz avait de l'argent en sa possession? Mais le prince est son secrétaire, et vous venez de dire que... Quand je vis la police bafouiller lamentablement dans cette affaire si intéressante, je pris la peine de me livrer à quelques investigations. Oh, c'était bien simple. Le fait qu'il fallait absolument être au courant, premièrement, du déguisement du jeune Schwartz, deuxièmement, de l'achat des bijoux, me guida. Quels étaient les gens prévenus? Le prince et son secrétaire, mais cela se trouvait hors de cause. Pour l'idée de ce vol audacieux, il fallait connaître en outre les soupçons qui s'étaient élevés d'abord dans l'esprit des deux bijoutiers associés. Ces soupçons préalables avaient décidé le jeune Allemand à livrer les billets au prétendu policier. Je sais à n'en pas douter que les divers employés de la maison ne sont pas encore au courant des hésitations préalables de leur patron et ils accusent ceci de puérile négligence. En outre, tous, sans exception, se trouvaient dans le magasin à l'heure où le vol s'accomplissait. Et tous continuent à mener une existence extrêmement modeste, je les ai fait surveiller et j'en suis sûr. L'après-midi du vol, une seule personne a quitté le magasin, M. Vassal. Il sortit pour aller, paraît-il, voir un dessinateur de bijoux Art Nouveau et il ne rentra que vers 4h35. Cela me donna l'éveil. Je découvris aisément que M. Vassal n'était qu'un petit associé. Il n'avait que 25% sur les bénéfices. Alors vous voulez dire que dans tous les cas, où un vol atteint deux personnes, la première chose à savoir, c'est si l'une de ces personnes n'est pas en réalité beaucoup moins atteinte que l'autre. Ce procédé m'a déjà mené, ne vous en souvenez-vous pas, à éclaircir le mystère de Fillmore Terrace. Là, comme ici, je puis établir que l'une des deux parties en cause perdait très peu. Poussant un peu plus loin mes faciles investigations, j'appris que M. Vassal, sans en avoir l'air, menait grand train. Il n'a pas de manie spécialement ruineuse, mais il fréquente les coulisses, suit les courses, fait partie de plusieurs cercles, et il s'arrête souvent autour des tables de baccarat. Tout cela sans scandale, et tout en étant un commerçant exact et travailleur. Il avait des dettes assez lourdes, qui depuis le vol se sont trouvées peu à peu éteintes. Il tient un rang de plus en plus brillant, et il a maintenant dans une banque de Londres un gros compte, qui lui fut ouvert un an après l'affaire. Mais comment a-t-il pu accomplir ce vol ? Rien de plus simple. Il avait 24 heures pour tout préparer. Mais d'abord, prenez note de ce détail, M. Vassal est un acteur amateur de grand talent. Sans l'opposition systématique de sa famille, il serait maintenant un professionnel de la scène. On l'applaudit souvent, en divers salons de Liverpool. La carte de visite m'a donné à supposer que cet escroc n'en était pas à son coup d'essai. En effet, on a pu retrouver l'imprimeur. L'associé de M. Winslow possédait, selon moi, une petite presse portative, et cela l'exemple de tous les grands escrocs internationaux qui ont besoin constamment de changer de nom et de personnalité et ne veulent laisser aucune trace à la police. Je sais où, à Londres, se confectionnent ces presses, véritables petites merveilles, assez coûteuses d'ailleurs, mais grâce auxquelles, sans beaucoup d'expérience, il est possible d'obtenir de remarquables cartes. La pelisse et l'uniforme, l'acteur amateur les avait sans doute dans sa garde-robe. Il suffit d'ajouter à cela une barbe, une perruque et un peu de maquillage, pour ne pas être reconnu du jeune Schwartz. Celui-ci n'était en Angleterre que depuis à peine 15 jours. D'autre part, M. Vassal est des deux associés celui qui restait le moins au magasin, car il était chargé de faire les achats et de rendre visite aux fabricants. Donc M. Schwartz le connaissait relativement peu. Bien grimé, déguisé par la perruque, la barbe, la pelisse et l'uniforme, parlant un mauvais anglais avec la facilité d'un acteur, rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas été reconnu du jeune employé. Je suis d'ailleurs sûr que sans les soupçons idiots de son oncle contre le prince, M. Schwartz n'aurait pas cru si aisément à la malhonnêteté de celui-ci. Il serait vraiment bien utile au commerce anglais d'étudier un peu plus le Gotha. Je ne peux m'empêcher de trouver le tour extrêmement bien joué. C'était simple, clair, pratique. Ce monsieur Vassal est un artiste. Je n'aurais pas mieux fait moi-même. C'était Le Mystère de Liverpool par Emma Orczy.